السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فنواصل قراءتنا بإذن الله تبارك وتعالى، وكنا قد وصلنا إلى ذكر بعض الأحاديث الدالة على الاستغفار وفضله. Donc nous continuons بإذن الله تبارك وتعالى notre lecture, et nous sommes arrivés à certains hadiths cités par l'auteur concernant donc la demande de pardon et son mérite. Le premier hadith cité par l'auteur رحمه الله, il nous dit, rahimahullah, d'après Al-Agar Al-Muzani, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innahu la yughanu ala qalbi. Innahu la yughanu ala qalbi. C'est-à-dire que son cœur sallallahu alayhi wa sallam est pris à certains moments d'occupation, d'inchirol ou d'insouciance, de rafla, face au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: innahu la yughanu ala qalbi. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: et j'implore le pardon d'Allah et me repens à lui plus de 70 fois dans la journée. Rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah. Donc dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam informe que par moment yughanu ala qalbihi, c'est-à-dire comme cité, que son cœur est pris d'occupation ou de distraction quant au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith considère cela comme un péché ou bien comme une négligence de sa part quant au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui a besoin d'un repentir. Et donc pour cela, il demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il demande sallallahu alayhi wa sallam à Allah le pardon plus de 70 fois par jour. Et donc dans ce hadith, nous avons un exemple à suivre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant au fait que le croyant doit constamment faire attention et scruter l'état de son cœur et l'état de sa foi. Car comme il a été rapporté dans certains athars, certaines paroles de salaf, qu'il fait partie de la bonne compréhension du fiqh fid din que la personne sache différencier lorsque sa foi augmente ou bien que sa foi baisse. Et donc à partir de cela, faire les causes qui vont augmenter la foi de la personne et s'écarter des causes qui vont faire baisser sa foi. Contrairement à celui qui va être insouciant et qui ne prête pas attention à l'état de son cœur. Celui-là n'est pas à l'abri de s'égarer ou bien de tomber dans certaines formes d'hypocrisie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a caractérisé les hypocrites par sa parole subhanahu wa ta'ala: وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Il ne se rappelle et il n'évoque Allah subhanahu wa ta'ala que très peu. Et donc à l'inverse, le croyant, lui, constamment scrute sa foi, constamment sans qu'il ait observé et guetté par Allah subhanahu wa ta'ala, une des causes qui fera qu'il pourra préserver sa foi et faire les causes pour que sa foi augmente. Et donc parmi les plus grandes causes qui permettent d'augmenter la foi, dhikrullah subhanahu wa ta'ala, l'anna jami'a shara'i'a هي لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى ولتكبيره. Donc parmi les plus grandes causes qui permettent d'augmenter la foi du croyant, le fait de se rappeler d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Car toutes les législations, tous les actes qui ont été légiférés pour le croyant ont pour but de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'immensifier, de le glorifier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Certes, la prière empêche la turpitude et le blâmable, et le rappel d'Allah est plus grand, est plus immense. Fahuna, le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de se rappeler de lui et de l'évoquer abondamment font partie des causes qui augmentent la foi de la personne et qui purifient le cœur de la personne. Ici en particulier, al-istighfar, la demande de pardon. Al-istighfar, la demande de pardon. Et donc le fait aussi de constamment se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de constamment scruter son cœur, de constamment évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, fait partie des points qui montrent le degré d'amour que le serviteur a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme il a été dit, « Man ahabba shay'an akthara min dhikrihi » Celui qui aime une chose, l'évoque et la cite abondamment. Donc le fait que le serviteur se rappelle constamment d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il évoque constamment Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit par la demande de pardon et autres formes d'évocation, fait partie des preuves de l'amour qu'il a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fadhkuruni adhkurkum » Évoquez-moi, je vous évoquerai. Ou bien rappelez-vous de moi et je me rappellerai de vous. Donc cela fait partie des preuves de l'amour du serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala. À condition bien sûr que cette évocation abondante et fréquente soit conforme au suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam « Qul » إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dit, si vous aimez véritablement Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos fautes. Donc celui qui est véridique dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala se doit d'être conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son évocation abondante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à donc certaines personnes qui vont évoquer Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, mais soit par des formules d'invocation innovées qui n'ont pas été apportés du messager sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, comme le font certains soufis, ou bien des personnes qui vont beaucoup évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps vont être constants sur certaines innovations. Donc, cela sera un signe de manque de sincérité et d'amour réel pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car, comme le citent les gens de science, le manquement que peut avoir le serviteur dans le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam est un des signes du manque de sincérité qu'il a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme cité dans le verset précédent, In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Donc celui qui est véridique dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala va être sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. D'après le sens du verset, ceux qui ont cru et n'ont mélangé, n'ont entaché leur foi par aucune forme d'injustice, ce qui est voulu aussi par l'injustice et le shirk, comme la expliquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit subhanahu wa ta'ala Ulaika humul muhtadun, Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Donc ceux-là sont ceux qui ont la sûreté, qui sont en sûreté et qui sont bien guidés. Donc ce qui montre que plus la personne sera sincère envers Allah azzawajal, plus la personne sera loin du shirk, plus elle sera en sûreté premièrement et plus elle sera bien guidée. Fi dunya wa fil akhirah. Donc en sûreté, elle sera en sûreté concernant ce de quoi a peur les mouchékouns. Fal mu'min al muwahhid ya'man mimma yakhafu al mouchékoun. Donc le mu'min al muwahhid est à l'abri, ne craint pas ce que craint les mouchékouns. Donc ici, le musulman peut aussi mesurer et voir son état. Est-ce qu'il est dans un état où il craint les mêmes choses que les mouchékouns craignent? Si c'est le cas, alors c'est qu'il y a un problème. Car il est censé être à l'abri de ceux que craint les mouchékoun. Fa le mu'min mouahid ma yakhaf mimma yakhafu al mouchékoun. Fa la yakhaf min al maut. Il ne craint pas la mort en elle-même. Il peut craindre ce qu'il y a après, mais pas la mort en elle-même. La yakhafu al faqr. Il ne craint pas la pauvreté. Wa la yakhafu hadhihi al umur allati yatakhawafu biha al mouchékoun. Bal yakun mutma'innan. Mais il est apaisé. Donc plus sa foi va augmenter, plus il va être apaisé face à ces choses-là et plus il va être en sûreté dans ce bas monde et dans l'au-delà. Kadhalika yakunu muhtadiyan, il sera bien guidé. ولا شك أنه ليس هناك هدى إلا هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc il n'y a aucune guidée réelle si ce n'est celle avec laquelle est venu le prophète صلى الله عليه وسلم. إذن plus la personne sera accrochée à Allah subhanahu wa ta'ala, elle sera sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, plus elle sera bien guidée. Et donc, à l'inverse aussi, donc, tout manquement dans la sincérité est aussi un signe du manquement dans le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le manquement dans le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam est un signe de manquement dans la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'inverse, le manquement dans la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala est aussi un signe du manquement dans le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans le hadith, nous avons le fait de constamment revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala par la demande de pardon et le repentir. Inni astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marra. Donc je demande pardon, j'implore le pardon d'Allah et je me repens à lui dans la journée plus de 70 fois. Et donc, et aussi le fait de scruter l'état de son cœur, une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Donc le fait de constamment revenir vers lui. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos de Ibrahim alayhi salam. Il nous dit subhanahu wa ta'ala inna Ibrahim la halimun awwahum munib. D'après le sens du verset, Ibrahim était certes indulgent, très implorant et repentant. Awwahun, très implorant, munibun, et repentant. C'est-à-dire qu'il revenait constamment à Allah subhanahu wa ta'ala par l'imploration, par le repentir et par le fait de se détourner de tout ce qui est en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi cité son prophète Daoud alayhi salam en lui faisant des éloges par sa parole subhanahu wa ta'ala. Wadhkur abadana Daoud. Et rappelle-toi notre serviteur Daoud, doué de force dans l'adoration d'Allah, est plein de repentir. Est plein de repentir. Al-Imam al-Sa'di rahimahullah nous dit, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, plein de repentir, c'est-à-dire qu'il revenait constamment à Allah subhanahu wa ta'ala dans tous ses états, par le retour du cœur vers lui, par l'amour, par son adoration, par la peur et l'espoir, et par beaucoup de supplications et d'invocations. Et il revenait beaucoup à Allah lorsque provenaient de lui certains manquements, par le délaissement de cela et par le repentir sincère. Donc ici le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le voit donc, qui est un acte par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a caractérisé ses messagers. Entre autres ici, Daoud alayhi salam, wa Ibrahim alayhi salam, wa Sayyidul Mursalin Nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur rahimahullah nous cite le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne faisiez pas de péché, alors Allah vous aurait fait partir et aurait fait venir un peuple qui font des péchés, puis implore le pardon d'Allah, puis Allah leur pardonne. Donc ce hadith est aussi un hadith donc immense, à travers lequel le serviteur apprend plusieurs points. Entre autres, il apprend à connaître l'immense sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith aussi ouvre au serviteur la porte de l'espoir et le fait de ne pas désespérer de la miséricorde et du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abdelaziz ibn Baz rahimahullah nous dit en explication de ce hadith: le sens de ce hadith est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa science qui précède, a cité que les péchés vont se produire inévitablement pour que puissent apparaître les signes de son pardon et sa miséricorde subhanahu wa ta'ala, et les signes de son nom At-Tawwab, le grand accueillant au repentir, et Al-Ghafour, le pardonneur, et Al-Afou, l'indulgent. Car s'il n'y aurait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu de sens à ces noms, comme l'indulgent, le pardonneur, le grand accueillant au repentir. Al-Afou, Al-Ghafour, At-Tawwab. Et donc, son décret et sa science ont précédé le fait que les djinns et les hommes fassent des péchés, puis qu'il, subhanahu wa ta'ala, accepte le repentir de celui qui se repent, et qu'il pardonne à qui il veut, et qu'il soit indulgent envers qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et le sens n'est pas une autorisation d'accomplir les péchés. Donc le sens qui est voulu du hadith n'est pas le fait que, vu qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, cite que si les enfants d'Adam ne feraient pas de péché, il leur apportait un autre peuple qui font des péchés. Ça ne veut pas dire que la personne se délaisse et va d'elle-même au péché. Là, le sens, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété cela. Quels que soient les efforts que le serviteur va faire, il tombera un jour ou l'autre dans des péchés. Par sagesse qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, l'examen, l'épreuve sera comment est-ce qu'il va se comporter face à ce péché-là? Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va accepter ce péché-là? Est-ce qu'il va se laisser aller avec ce péché-là et continuer ou bien il va se repentir, il va regretter et il va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est le cas, alors il a réussi son examen et bien Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Si jamais il accomplit un repentir sincère et une demande de pardon sincère. Donc il nous dit, et le sens n'est pas une autorisation d'accomplir les péchés. Non, bien au contraire. Allah a interdit cela. Mais il a précédé dans sa science que les péchés auront lieu. Et qu'il sera indulgent envers qui il veut et qu'il pardonnera à qui il veut s'il se repent, donc les serviteurs. Et donc, cela indique que cela se produira inévitablement, les péchés. Mais le croyant ne désespère pas et il sait qu'Allah a écrit cela et donc il se repent à Allah, qu'il se repente à Allah et ne désespère pas et qu'il accourt au repentir et Allah accepte le repentir de ceux qui se repentent. Et Allah accepte le repentir de ceux qui se repentent. Intaha kalamuhu rahimahullah. Et donc, cela nous montre aussi l'importance d'apprendre et de connaître les noms et attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela afin que le serviteur puisse se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cela. Car comme cité, le serviteur qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala et qui sait que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons El-Ghafour, par exemple. Celui qui pardonne, le pardonneur, At-Tawwab, le grand accueillant au repentir. Donc cela va renforcer son espoir quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne son péché. Donc quel que soit le péché qu'il a pu faire, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comme nom Al-Ghafour. Et les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala contiennent des attributs. Et chaque attribut a un impact sur donc, les créatures. Donc ici, Al-Ghafour. Donc cela implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Et donc, il en est de même pour le reste des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de savoir qu'Allah est Ar-Razzaq, donc celui qui accorde la subsistance, qu'il est Al-Hadi, celui qui guide subhanahu wa ta'ala, qu'il est Al-Karim, le généreux, qu'il est Al-Khabir, celui qui est parfaitement connaisseur. Donc tout ça, chacun de ces noms va éveiller, donc dans le serviteur, un sentiment qui correspondra à ce nom. Cela va inciter le serviteur à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Razzaq. Cela va pousser le serviteur à chercher la subsistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Al-Hadi. Cela va pousser le serviteur à chercher la guider auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait que comme Allah est Al-Hadi, donc Allah bi-idhnillah, si jamais il accomplit les causes de la guider, Allah le guidera. Pareil pour Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala est le généreux, celui qui donne sans compter et qui donne subhanahu wa ta'ala, même si le serviteur n'a pas accompli les causes pour recevoir. Il est aussi Al-Khabir, celui qui connaît parfaitement son serviteur. Donc cela va pousser le serviteur à délaisser les mauvaises choses, choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, même s'ils ne sont pas apparentes aux yeux des gens. Wa hakadha ila akhirih. Donc cela pousse le serviteur à apprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cela aura un impact, sans aucun doute, sur le serviteur. Et donc chacun de ces noms va éveiller chez le serviteur ce qui va le pousser à agir selon ce qu'implique ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce qui va permettre au serviteur de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui sera pour lui une des causes le menant à mener une bonne vie, une vie agréable, car elle sera constamment avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car elle sera constamment avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kana ma'a Allah fala yashqa wa la yadhil. Et quiconque est avec Allah subhanahu wa ta'ala ne sera ni malheureux ni égaré. Naam. Wa kadhalika mimma yastafiduhu al-insan fi al-istighfar, parmi ce que le croyant tire comme profit quant au fait de constamment demander ou implorer le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que cela soit un des trois signes qui mènent le serviteur au bonheur dans ce bas monde. Comme a dit le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi muqaddimatihi li al-qawa'id al-arba'a, comme l'a cité le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dans son introduction de son livre Les Quatre Règles, dans lequel il commence par faire une invocation. Où il dit, rahimahullah, As'alullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim. Je demande à Allah, le noble, le généreux, le seigneur de l'immense trône, De te prendre comme allié dans ce bas monde et dans le delà. Et de faire de toi une personne qui, lorsqu'elle reçoit un bien, est reconnaissante. Et lorsqu'elle est éprouvée, endure, patiente. Et lorsqu'elle a commis un péché, demande pardon, implore le pardon. Car certes, ces trois points sont le signe du bonheur. Donc, le fait d'être reconnaissant, d'être endurant et d'implorer le pardon lorsqu'on a fait un péché. Car comme le disent les gens de science, toute personne dans sa vie sera constamment ou obligatoirement dans un de ces trois états. Donc, toute personne qui médite sur sa personne verra que chaque jour, à chaque moment de sa vie, elle sera dans un de ces trois états. Soit dans un bienfait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, alors à ce moment-là, elle devra être reconnaissante. Et il faut savoir que le bienfait n'est pas forcément une chose qu'on peut voir. C'est-à-dire que le bienfait peut être par le fait qu'Allah t'accorde une bonne subsistance, qu'Allah t'accorde de la science, qu'Allah t'accorde de la guider, qu'Allah t'accorde de la richesse, qu'Allah t'accorde de la notoriété ou autre. Mais le bienfait est aussi dans le fait qu'Allah repousse de toi des maux. Le fait qu'Allah t'ait préservé de la maladie est un bienfait. Le fait qu'Allah t'ait préservé de la pauvreté est un bienfait. Le fait qu'Allah t'ait préservé de l'ignorance est un bienfait. Wa hakada. Fa'idan, huna, à ce moment-là, le serviteur doit être reconnaissant. Yashkurullah. Bilisanihi, par sa langue. Biqalbihi, par son cœur. Wa bijawarihihi, par ses membres, par le fait de diriger ce bienfait-là dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, le serviteur est dans une épreuve. Ibtalak Allahu bi shay', Allah t'a éprouvé par une chose. Pauvreté, maladie, tristesse, souci, angoisse, perte d'un proche ou autre. Fahina idin as-sabr. À ce moment-là, la patience, l'endurance. Donc, ce qui est voulu par la patience n'est pas simplement le fait de rester à attendre que l'état s'améliore, mais le fait de patienter sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bima'ana annaka tasbir ala ta'atillah. Quel que soit l'état dans lequel tu es, tu patientes sur l'obéissance à Allah. Tasbir an ma'siyatillah. Tu patientes quant au fait de délaisser la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasbir ala aqdarillah mu'lima. Et tu patientes face aux décrets d'Allah qui sont difficiles. Donc, sans te mettre en colère, sans faire des choses qui vont déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et na ba'd an-nas, car certaines personnes lorsqu'ils sont éprouvés, mathalan idha tuliya yatruku as-salah. Lorsqu'il est éprouvé, il délaisse la prière. Idha tuliya yatruku al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Lorsqu'il est éprouvé, il délaisse le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Hadha khata. Hadha laysa min as-sabr. An tasbir tasbir ala amrillah. Wa yaqulu Allah azza wa jalla إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Certes, celui qui fait preuve de piété et qui patiente, qui endure, alors Allah ne perd pas la récompense des bienfaisants. Celui qui fait ça fait partie des bienfaisants. Il endure et il reste sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième état est que la personne a commis un péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. À ce moment-là, il doit accourir au pardon, à la demande de pardon et au repentir. Et donc celui qui fait cela aura accompli unwanu sa'ada, les signes et les causes qui mènent au bonheur fi dunya wal akhirah bi idhillahi tabaraka wa ta'ala. Hada wallahu a'lam. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce immense de nous pardonner nos fautes, de combler nos manquements, de nous augmenter en foi et en guidée et en science. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi wa subhanaka allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.